Juste pour vous mettre dans le contexte, parce qu'il y a des membres aussi qui sont là ce matin, et puis vous n'étiez peut-être pas là les dernières semaines. Alors, vous mettre dans le contexte le texte qu'on a partagé aussi dans les dernières semaines, parce que ce que je vais partager ce matin est quand même en lien avec ce que Glenn a apporté, aussi bien ce que moi-même j'ai partagé la semaine dernière. Et les semaines aussi au préalable où nous avons partagé sur nos valeurs, les valeurs de la communauté. Parce qu'on a voulu faire un retour sur nos valeurs, afin que non seulement on connaisse nos valeurs, mais qu'on les comprenne, ces valeurs-là, pour ensuite les vivre. Les vivre dans le vivre ensemble. Comme Jean-François aime bien l'expression vivre ensemble, et je pense qu'on est en train d'adopter cette expression-là de la communauté, notre vivre ensemble. Alors, Glenn, dans son étude sur le livre d'Amos, nous a entretenu pendant 3 semaines. Glenn n'a pas terminé encore son étude sur Amos, donc il y a un dernier segment à apporter dans 2 semaines. Mais au travers du livre d'Amos, Glenn a voulu nous démontrer comment que la justice, hein, ce que la Bible appelle la justice, c'est ce qui correspond au caractère ou à l'éthique de Dieu. Hein? Et j'étais bien content que Glenn se serve de l'expression l'éthique de Dieu, parce que hein, c'est aussi ce que, si on a parlé de nos valeurs, hein, des valeurs que nous avons. Et donc, la semaine dernière, j'ai parlé du fait que nos valeurs que nous avons adoptées comme communauté, il me semble qu'elles correspondent à l'éthique de Dieu, à la façon de faire, à l'agir de Dieu. Glenn nous a représenté, et je reviens là-dessus, sur le fait que la justice de Dieu est un peu comme un fil de plomb. Hein? Pour ceux qui travaillent dans la construction, on l'a mentionné la semaine dernière, hein, les menuisiers vont se servir d'un fil, on attache un plomb au bout du fil, hein, pour le clouer au mur, et ça donne une ligne droite. Hein? Alors, la justice de Dieu révélée dans les Écritures, est un peu comme un fil de plomb. C'est-à-dire que notre vie, notre éthique à nous, aussi bien que notre éthique communautaire, devrait correspondre à l'éthique de Dieu. Maintenant, et on va y revenir tantôt peut-être, dans quelle personne pouvons-nous voir à la perfection cette éthique de Dieu? Dans la personne de Jésus. C'est pourquoi que ce matin, on va parler d'être disciple. On va revenir sur un sujet qu'on a déjà parlé. Donc, la justice de Dieu est le fil de plomb auquel nous devons se mesurer. On se mesure à ça. On ne se mesure pas au moralisme, au dogmatisme de différentes institutions religieuses. On doit se mesurer à l'éthique de Dieu telle que démontrée dans la vie, hein, de Jésus. J'ai mentionné la semaine dernière que comme le peuple d'Israël, le peuple choisi d'Israël, hein, Dieu choisit, hein, un homme, une famille, un clan, finalement un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dont Dieu aurait voulu, et encore là, je fais un disclaimer ce matin, comme j'ai fait la semaine dernière, que quand je dis Dieu aurait voulu, ou Dieu, ça n'engage pas la personne de Dieu. D'accord? Et ça n'engage pas non plus la direction de cette communauté. C'est la lecture que je fais, d'accord? Des Écritures. Alors, je peux dire, Dieu aurait voulu qu'Israël, le peuple, dans sa collectivité, soit une révélation de cette éthique, ce caractère de Dieu. Ce que Israël n'est pas arrivé à faire. Hein? Il s'est détourné de Dieu. Et d'ailleurs, le péché, le plus souvent reproché à Israël dans l'Ancien Testament, c'est de s'être détourné du Dieu vivant pour se retourner vers des idoles, vers la pierre, hein, vers le bois, vers ce qui n'est pas véritablement Dieu. Et Dieu va dire, vous êtes détourné d'une citerne, monsieur, de l'eau, pour aller boire dans une citerne sans eau. Il n'y a pas d'eau là. Hein? Okay? Donc, alors, Israël a dérapé. Hein? Bon. J'ai suggéré la semaine dernière. Donc, ce matin, on va continuer dans cette ligne de pensée-là. Et il est présentement 11h10 à midi moins 20. Dans 30 minutes, on arrête. D'accord? Fini, pas fini. OK? On continuera une autre fois. Parce qu'on est l'été, hein? On est l'été, puis votre taux de tolérance diminue avec l'été. Si vous voyez quelqu'un qui dort à côté de vous, vous pouvez donner un coup de coude. Ou comme quelqu'un disait, « Pasteur, c'est toi qui l'as endormi, va le réveiller. » Tu n'auras pas ta remède. OK. J'ai suggéré la semaine dernière. Toujours, on est en train de nourrir une pensée, d'accord? Parce qu'on n'apporte pas des partages disparates, puis décousus, on puise dans, « Ah tiens, ce matin, on va apporter ce message-là, ou ce partage-là. » Avec Glenn, et souvent Glenn me consulte, je consulte Glenn, puis avec le nouveau conseil de dirigeant, ça va encore aller mieux, parce qu'on va se voir plus souvent. Mais on essaie d'apporter des partages qui sont en lien les uns avec les autres, dans un but de bâtir quelque chose, de développer plutôt, hein, de développer un sens communautaire à notre communauté. À notre Église. Fait que j'ai mentionné que l'Église est à la fois, et là j'ai utilisé un grand mot pour certains, mais je vous ai dit la semaine dernière, allez voir dans le dictionnaire, ça va développer votre culture. Je me suis servi du mot microcosme. Hein? Microcosme, qui veut dire en somme, hein, c'est un peu comme une image de la société en miniature, une miniaturisation hein, de quelque chose. Alors, j'ai dit que l'Église, notre communauté, à nous, elle est un microcosme de la société. Right? On retrouve dans notre communauté ce qui se trouve dans la société. Contrairement à ce qu'on pensait auparavant. 2 Corinthiens 5, 17. D'accord? Que du moment où tu acceptais Jésus-Christ, tu étais parfait, tu étais changé, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, plus de problème. Hein, tout a été réglé. Et oups, on s'est aperçu que des problèmes demeurent. OK? Et bien souvent, donc, on les met sur le tapis, on n'en parle pas, hein, mais ils sont là quand même. Donc, l'Église est un microcosme de la société. Je m'attends, et lorsque c'est peut-être moins évident, lorsque c'est une petite communauté de 30, 40, 50 personnes, mais quand j'étais à la communauté de Rosemère, où on était 500 personnes, c'était peut-être plus vérifiable, OK? Que les statistiques de la société se vérifiaient dans la communauté. Que s'il y a tant de pourcentages, et là j'ai étudié la semaine dernière l'exemple, s'il y a tant de pourcentages de batteurs de femmes dans la société, qu'on va retrouver le même pourcentage dans la communauté chrétienne. Ouais? Et ce n'est pas toujours visible à l'œil nu. Pas parce que, comme pasteur de cette communauté, j'en ai vu. OK? All right? Des télévisions passées par la fenêtre. Le dimanche matin, c'était quelqu'un très bien. OK? Mais par contre, dans la famille, c'était rough and tough. D'accord? Donc, on retrouve dans la communauté ce qui se trouve dans la société. Deuxièmement, j'ai suggéré que l'Église, la communauté chrétienne, la nôtre, on ne parle pas de celle des autres, on va parler de la nôtre, que notre communauté devrait être un microcosme du royaume de Dieu. Comme Israël aurait dû être un microcosme du projet de Dieu, mais tu ne l'as pas été. Comme communauté chrétienne, nous sommes appelés à être un microcosme du royaume de Dieu. Que quand quelqu'un nous voisine, il devrait voir dans notre vécu, dans notre vivre ensemble, les valeurs, l'éthique de Dieu. J'ai mentionné la semaine dernière que les valeurs que nous avons adoptées comme communauté, mais premièrement qui ont été pondues hein, par une table, par des membres d'une table de travail. Est-ce qu'il y a un meilleur mot que pondu? Élaboré. Oui, élaboré. Voilà, Michel. Oui, élaboré, c'est le meilleur mot. Ouais. Alors, ces valeurs ont été élaborées par une table de travail, puis ensuite adoptées par la communauté. Et j'ai mentionné que ces valeurs-là, à mon avis, correspondent à l'éthique de Dieu, au caractère de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, bien au-delà. Nous sommes en devenir. Voilà. On est en devenir. Mais à cause de ces valeurs que nous avons dit, voilà des valeurs qu'on a pu détecter. Parce qu'un des devoirs, qui était donné aux membres de la table était regarder surtout dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, quelles sont les valeurs qui sont exprimées par sa vie? Par sa façon de se conduire. D'accord? J'ai déjà parlé, puis je sais qu'on n'arrivera pas ce matin à passer au travers de ce que je veux, okay? Parce que là, j'improvise. Parce que je pense que c'est important. Puis l'été, on est plus décontracté, puis... Hein? On chill, on est chill l'été, on est chill. Dimanche prochain, on va servir un rafraîchissement pour chiller. J'ai perdu mon fil. Michel m'a fait déraper. Oui, c'est ça. On a élaboré des valeurs sur lesquelles on pense que c'est un énoncé hein, qui correspond au caractère de Dieu. OK. Je disais que nous n'allons peut-être pas passer au travers ce matin. Mais on va aller aussi loin qu'on peut aller. Je vais le rementionner encore. Une problématique surtout peut-être de l'Église évangélique. Je sais que, par exemple, l'Église catholique romaine a peut-être plus le sens communautaire, la communauté, que l'Église évangélique. J'ai mentionné qu'on a fait du salut individuel un enjeu coupé, isolé du projet de Dieu. Vous me suivez? On n'ira pas vite. Prenez le temps de réfléchir. On a fait du salut individuel. Es-tu sauvé? De ta loi spirituelle? Taf. Accepte Jésus comme ton sauveur. As-tu l'assurance? Es-tu sûr d'aller au ciel si tu mourrais ce soir? Et que Dieu te demandait, pourquoi je te laisserai entrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Hein? Cette formule-là? Okay? Okay. Donc, on s'est préoccupé davantage du salut individuel de la personne que du projet de Dieu. Ce matin, juste pour vous dire que, et là c'est moi, disclaimer, mes opinions, mes points de vue n'engagent pas la direction de la communauté. C'est moi qui parle. Ça vaut ce que ça vaut. Ce matin, on a chanté. Et depuis, quand j'étais en Rosemère, c'était la même chose, mon deuxième segment. Parce que j'étais à Rosemère de 76 pour implanter l'Église, de 76 à 89. Ensuite, je suis parti, en 99, je suis retourné. Après avoir cheminé, échangé. Et puis, parfois, je dis aux gens, les chants qu'on chante ne reflètent plus notre théologie. On les chante quand même. Ce matin, on a chanté un chant. Il y a certaines paroles qui sont belles, mais je dois me dire que la deuxième fois, la troisième fois, j'ai arrêté de chanter. Je vais vous dire pourquoi. Nous voulons voir Jésus élevé comme un intendant sur ce pays. Ça dépend, là, si c'est comme une religion, ben, non, c'est comme le roi des rois, celui à qui appartient le projet de Dieu, d'accomplir le projet de Dieu. Bon, voilà. Nous voulons voir Jésus élevé comme un intendant sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Ouais, ça peut aller. Et le chemin vers le ciel. Voilà. Et le chemin vers le ciel. Là, je ne suis plus capable de chanter. Je m'arrête. Parce que Jésus, je l'ai déjà mentionné, mais je le remensionne, que Jésus n'est pas venu nous montrer le chemin vers le ciel. Il est venu nous montrer le chemin du projet du royaume de Dieu. Jésus n'a jamais prêché le ciel. Jésus n'a jamais lancé une invitation pour aller au ciel. C'était toujours « repentez-vous », c'est-à-dire changez d'attitude. Changez votre façon de voir, votre façon de penser. Parce que le projet de Dieu, le royaume de Dieu est là. Rentrez dans le royaume de Dieu. L'appel de Jésus était à rentrer dans le projet de Dieu. Et le ciel comme lieu vient automatiquement. C'est un automatisme. Je n'ai même pas besoin de m'en préoccuper. Alors, tant qu'on... Je suggère, j'ai déjà peut-être suggéré, ça fait 4 ans que j'accompagne la communauté. C'est sûr que je radote des fois. Mais ce n'est pas toujours parce que je radote, c'est parce que je veux enfoncer un clou. Voyons, ce matin, je perds le fil de mes pensées parce que je dégraisse. J'allais dire, Marie, j'ai là depuis, Francine, il y en a plusieurs qui m'entendent depuis 4 ans. Le propos de Jésus était le royaume de Dieu. De s'engager dans le projet que Dieu a pour nous. Fait que souvent, dans le milieu évangélique, et parce que cette communauté a comme arrière-plan, l'évangélicalisme, hein, on vient d'un arrière-plan évangélique, donc, il y a eu un déracinement. Moi, tant qu'on met l'emphase sur le salut individuel, au détriment du royaume de Dieu, il y a un déracinement qui se fait. Parce qu'on devient chrétien, mais déraciné de l'ensemble. C'est comme un arbre, au lieu de le planter dans la forêt, on l'arrache, qu'on transplante ailleurs. C'est déraciner de l'ensemble du projet de Dieu. Le texte que j'ai choisi ce matin, et qu'on va continuer lors du prochain partage, c'est Matthieu 28, versets 16 à 20. Qui peut me dire qu'est-ce qui se trouve dans Matthieu 28, versets 16 à 20? Faites des disciples de toutes les nations. Donc, on sait que ce passage nous appelle, hein, Jésus, enfin, Matthieu nous laisse ses dernières paroles. Hein. Matthieu semble nous laisser croire que ce sont là les dernières paroles de Jésus. Parce que Jésus dit, « Maintenant, je m'en vais. Allez! » Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Okay. Le pouvoir, hein, ça parle du royaume de Dieu, là. Ça ne parle pas du ciel. Okay? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, ou comme un autre, je ne sais pas si je l'ai, non, recule. Allez, et faites des disciples parmi toutes les nations. C'est une autre traduction qui existe, hein, une autre version. Au lieu d'être « allez faire de toutes les nations des disciples », »,« allez faire des disciples dans toutes les nations ». Nous, je pense que Jésus faisait appel justement là, hein, aux Juifs, afin qu'ils dépassent leur attitude raciste envers les peuples, hein, leur hégémonie, pour étendre leur vision, puis de dire « Hey, je veux des disciples, pas seulement parmi les Juifs, je les veux parmi tous les ethnies. » Parce que c'est ce que le mot « nation » veut dire, « ethnie ». Je veux des disciples parmi toutes les ethnies. Donc, ça devrait être notre préoccupation, puis c'est le mandat que Jésus nous donne. Allez, faites des disciples. On va s'attarder là-dessus. C'est ma préoccupation aussi de faire des disciples toutefois sans retourner aux idéologies qui privent l'homme de son humanité et de sa liberté. Je vais répéter ma phrase parce que Jean-François semble l'aimer, il hoche la tête. Je vais répéter, notre préoccupation et de faire des disciples sans retourner aux idéologies qui privent l'homme de son humanité et de sa liberté. Quelles sont ces idéologies? Je vais en nommer quelques-unes. Le déterminisme, que l'homme est déterminé. Le légalisme, le dogmatisme, le moralisme, l'élitisme. On fait des disciples, nous autres. Ça m'appelle bien des pasteurs qui ont de petites congrégations qui vont dire, « Nous, on n'est pas beaucoup, mais on a des disciples. » Yes! L'élitisme. Hein? La pression est forte. Standard est haut. Right? Il y a une rigidité. Le triomphalisme. On a chanté ça ce matin, le triomphalisme. Ça dépend comment on le prend, ce chant-là, ça dépend comment on le prend. Okay? Le triomphalisme. Le Québec pour Jésus. On va prendre Montréal pour Jésus. Hein? C'est ce discours-là qu'on tient parfois, qu'on entend. Okay? Puis moi, je décroche. Je ferme la radio. Okay? Ça existe. Ou bien donc l'absolutisme. Nous avons la vérité absolue, c'est nous qui l'avons. La lecture que d'autres font n'est pas bonne. C'est nous qui avons la bonne lecture des Écritures. On va s'attarder ce matin. OK, on va passer à une autre étape. Comment définiriez-vous le christianisme? On va y répondre. On va y répondre. Pas ce matin. Dans 3 semaines. On va répondre à la question. Comment définiriez-vous le christianisme? En 2007, quand j'ai commencé à accompagner cette communauté, on avait fait cet exercice. Tu ne te rappelles pas, hein? Ce qui veut dire que je peux très bien apporter un partage 2-3 fois. 3 dimanches d'affilée. Si les gens ne se rappellent pas. Dans le fond, c'est bon que je radote. Pourquoi? Oui, c'est bon que je radote. Je taquine. C'est bon. OK. Mais ça, je pensais ce matin, je me suis dit, certainement qu'il y a quelqu'un qui va dire, genre, tu radotes. Mais je me suis dit, il y a beaucoup, depuis 2005, j'ai apporté cette semblable, pas de même, là. J'ai retravaillé, j'ai apporté un partage semblable en 2007, lorsque j'ai commencé à accompagner la communauté, parce que je voulais leur dire exactement où j'étais. Hein? Leur dire, hein, j'avais dit à la communauté, et puis au conseil, hein, si vous voulez avoir un pasteur évangélique, c'est pas moi, parce que je suis plus là. OK? Je suis de tradition protestante, d'accord? Et ma lecture est différente. Okay? Donc, on s'était arrêté sur comment est-ce qu'on définirait le christianisme. Alors, j'avais proposé cinq définitions parmi d'autres. Je suis sûr que vous pourriez en ajouter. Je vous demande de réfléchir. Et si vous aimeriez les prendre en note, notez-les, ou je peux vous les envoyer par email. Hein? Okay? Parce que dans 3 semaines, on va y revenir, puis on va essayer de répondre. Le christianisme est une religion fondée sur l'enseignement de la personne de la vie de Jésus-Christ. Ça, j'ai pris ça dans une encyclopédie. Okay? Le christianisme, pour eux, c'est ça. Le christianisme est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. OK. Deuxième, une autre encyclopédie qui dit « Le christianisme est un système de croyances. » Et là, on énumère. C'est quoi les croyances? Dogmes, doctrines, dogmes, institutions, traditions, rituels et règlements. OK, dans le christianisme, il y a des règlements, il y a des institutions, il y a des traditions. Donc, des gens, hein, qui... Peut-être c'est des gens d'Église qui ont écrit ça, je ne sais pas, mais c'est l'encyclopédie. Donne cette définition-là du christianisme. Okay. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui ressort de ces 2 premières définitions dans le système? OK. Troisième. Le christianisme est une façon de vivre. Certains vont dire que c'est un mode de vie. Le christianisme est un mode de vie. Une autre définition, le christianisme est l'art de vivre le projet de Dieu. L'art de vivre le projet de Dieu. On peut dire l'art de vivre dans le royaume de Dieu. Parce que c'est un autre parallèle qu'on a fait la semaine dernière entre la shalom, le concept de l'Ancien Testament de la shalom, qui correspond au royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Même chose. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il fait référence à la shalom. Le fait que tant Dieu va régner, puis tant la volonté de Dieu est faite comme elle doit être faite, c'est la shalom, la paix, paix accompagnée de justice. Puis on a mentionné que la shalom, ce n'est pas seulement un mot, c'est un concept. Il y a un concept derrière. Okay? Donc, le christianisme est l'art de vivre le projet de Dieu. Et en dernier lieu, je suggère, une cinquième, le christianisme est l'art d'imager Dieu. J'utilise le mot « imager » au lieu d'imiter. Parce qu'on n'est pas appelé à imiter, à reproduire, Je donne tout de suite un exemple. Il me reste 3 minutes. Quelqu'un qui apprend, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est un disciple d'un grand peintre. Hein? Je ne sais pas, nommez-moi un grand peintre. Oui, mais il est mort. Quelqu'un de vivant? Bernard Lassie. OK, oui, Bernard. OK pour Bernard. Je ne sais pas si ces toiles sont encore sont rendues. Le musée chez nous. OK. Mais disons que quelqu'un apprend à faire la peinture selon l'art de Monet. OK? Il devient donc un disciple de Monet. Il veut peindre comme Monet a peint. Comme disciple de Monet, est-ce qu'il est appelé à imiter Monet ou à apprendre de l'art de Monet? Donc, il n'est pas appelé à reproduire les mêmes toiles que Monet a peint. Vous me suivez? Ou un sculpteur qui apprend d'un maître sculpteur. Il n'est pas appelé à reproduire la même sculpture. Il est appelé à apprendre de l'art. Ah, regarde, hein, le professeur va dire, j'ai vu Bernard donner des cours de peinture. Regarde, si tu veux, hein, peut-être telle teinte, ou ton trait de pinceau, puis, hein, puis il y a des particularités qu'ils apprennent. Et le bon élève ne sera pas appelé à reproduire, il ne sera pas noté. Hein, la notation, il ne sera pas noté par le professeur sur la façon exacte qu'il a reproduit le tableau, mais sur l'art, son art. C'est pourquoi je dis, on n'est pas appelé à imiter Jésus. Ah, c'est comme ça. Hein, comme un enfant qui essaie de marcher dans les pas de son père, puis, hein, à faire exactement la même chose. J'ai aimé, Brian McLaren disait, on est appelé à vivre l'art, hein, alors, dans l'esprit des réformateurs et non pas selon les dogmes des réformateurs. Je parlais justement à quelqu'un cette semaine. Puis je disais, le problème, hein, parce qu'on parlait de l'évangélicalisme, puis comment que certains n'ont pas cheminé, n'ont pas évolué. Puis je disais, mais justement, le problème, c'est que les gens se glorifient de ne pas avoir dérogé. Qu'on a gardé la même foi, j'ai combattu le bon combat, hein, j'ai maintenu, hein, la réforme, puis... Hein, le calvinisme, puis hein, on s'en est tenu là, puis yes sir. Ce faisant, on déroge à l'esprit des réformateurs. Parce que moi, je pense que si Martin Luther, s'il vivait aujourd'hui, il aurait continué à réformer, à changer. Son esprit continuerait à dire non, c'est vrai, non, non, non. C'est vrai, j'ai pas bien saisi cette fois-là, non, non, non. Et hein, puis, je vois autrement maintenant. Okay? Il y a un changement. Donc, c'est pourquoi on n'est pas appelé à imiter, mais à imager Dieu. Imager, on se rappelle, là, hein, la corde de plomb? La corde de plomb? L'éthique de Dieu. Alors, je m'inspire de tout ce que je vois dans la personne de Jésus pour dire comment est-ce que je peux imager Dieu dans mes relations, parce qu'on a terminé là-dessus la semaine dernière, que le royaume de Dieu est, j'ai dit deux choses, le royaume de Dieu est relationnel, deux, caritatif. Matthieu 25. Il m'avait vêtu, il m'avait donné à manger, il m'avait visité. J'étais malade. L'action. Le remède est relationnel. C'est pourquoi nos valeurs. Okay? Nos valeurs, comment on rentre en relation les uns avec les autres? Caritatif, notre action dans la société autour de nous. Voilà pour ce matin. Jean-François. Good. On se lève, s'il vous plaît. Quelqu'un voudrait terminer par la prière. Amen. Justement, juste en terminant, parce que Daniel mentionne des esprits qui s'échauffent. Et je me demandais si on pouvait avoir une pensée, parce que je pensais ce matin, aux nouvelles, hein, qu'est-ce qui se passe en Grèce, puis pas facile, hein, pas facile de qu'est-ce qui se passe en Grèce, leur économie, et ça risque aussi de, hein, de se refléter sur d'autres pays en Europe. Et je me disais, comment que notre situation est précaire parfois, hein, puis comment qu'on devrait rendre grâce à Dieu de l'État de notre pays, notre province. Et puis, pensez à ceux qui, aujourd'hui, vivent la précarité, qui, hier, étaient dans l'abondance, pensaient que tout allait bien, ça allait durer, et puis, du jour au lendemain, se voient avec une hausse de taxes de 40%. Imaginez! C'était de vivre les coupures, le budget du pays, qui est de 100 milliards, qui doit être réduit de près de 20%. 18 milliards. Vous imaginez? Ça, c'est un quart du budget qui est coupé. Imaginez si ça arrivait au Québec, au Canada. On va avoir une pensée pour eux, puis vivre dans la reconnaissance de Dieu pendant cette semaine. Bonne semaine!